Selon les sources sud-coréennes, les juaïs et les bilicistes sud-coréens ont commencé à partir du 25 courant dans les eaux des environs de la péninsule coréenne les exercices maritimes conjoints destinés à envahir notre république. Le destroyer Aegis Maiyo, relevant du corps de frappe du porte-avions nucléaire Carl Vinson, s'est déplacé à la mer de l'ouest de Corée pour effectuer les déplacements tactiques et livrer les exercices de tir réel accompagnant les bombardements navals avec un destroyer de la marine sud-coréenne. Parallèlement, ancré au port de Busan, le sous-marin nucléaire Michigan, relevant du corps de frappe, prévoit de livrer séparément les exercices de frappe contre les cibles terrestres de l'autre côté. Le porte-avions nucléaire Carl Vinson, le croiseur à haut but téléguidé Lake Champlain et le destroyer Aegis Michael Murphy, relevant du corps de frappe, seront déplacés à la mer de l'Est de Corée entre les 26 et 27 courants pour livrer avec la marine sud-coréenne les manœuvres conjointes de haute intensité, notamment les exercices mobiles de détection, de poursuite et d'interception des missiles. Les marins du navire Carl Vinson ont effectué pendant 2 jours, à partir du 23 courant, dans les eaux des environs des Philippines, les exercices tactiques et de communication avec les navires des forces navales d'autodéfense japonais visant la pression contre notre république.